Bonjour et bienvenue dans votre horoscope pour la semaine du 15 juillet 2024. Bélier, grâce à Mars et Uranus, vous avez toute l'énergie dont vous avez besoin pour prendre le contrôle et faire avancer les choses. Alors ne relâchez surtout pas vos efforts. Côté relation, dès lundi, selon Vénus de feu, vous rayonnez et attirez aussi le succès grâce à votre charme naturel qui ne passe pas inaperçu. Laissez donc votre charisme parler pour vous. Taureau, entre lundi et mercredi, selon Mars et Uranus, vous n'écoutez que vos propres désirs et vous oubliez vite la discipline si on tente de vous enfermer dans un carcan. Osez, c'est mon conseil. Côté relation, par rapport à la semaine dernière, vous êtes davantage axé sur vos préoccupations personnelles. N'en profitez pas pour vous montrer plus irascible. Gémeaux, même si Mercure vous aide à vous adapter aux circonstances, Mars vous joue des tours. Alors si vous êtes amené à taper du poing sur la table d'ici mercredi, évitez surtout les gros dérapages. Côté relations, restez ouverts aux possibilités, que ce soit en amour, en amitié ou en solo. Vive la flamme de la romance, la fantaisie entre amis et les rencontres. Cancer, Mars et Uranus vous font sortir de votre coquille. Vous vous faites remarquer positivement et ce grâce à vos nombreux outils et à vos multiples appuis célestes. Poursuivez donc sur cette voie. Côté relation, le soleil dans votre signe Vénus en Lion vous met en valeur. Votre séduction est de plus en plus affirmée. Vivez pleinement l'été. Lion, Mercure, Mars, Uranus peuvent vous pousser à bout. Alors, bien que vous ayez de bonnes capacités de réaction, ne vous laissez pas enfermer non plus dans une situation sans issue. Prenez le temps de respirer avant de décider. Côté relation, Vénus et Mercure encensent les échanges fluides et sincères. Côté cœur, le vertige de l'amour peut vous prendre par surprise. Vierge, vous avez le pouvoir sur les événements. En plus, dimanche, la pleine lune renforce votre potentiel, quoi que vous fassiez ce jour-là. Alors surtout, établissez vos plans. Côté relation, Vénus et Mercure vous tournent le dos. Alors si vous avez envie de vous isoler chez vous ou de partir seul pour vous promener, n'hésitez pas, c'est le bon moment pour le faire. Et c'est bien, clarifiez vos idées. Balance, Mars vous donne la niaque. Jusque mercredi, vous êtes particulièrement efficace pour envoyer balader ce qui vous encombre et vous freine. Allégez donc votre fardeau, vous irez plus vite. Côté relation, Vénus et Mercure en Lion stimulent votre côté passionné. Laissez-vous donc emporter par l'amour et montrez votre attachement sans retenue. En famille, on rit et on partage. Profitez de ce chaleureux moment. Scorpion, votre promptitude dans l'action est étonnante, mais votre patience s'évapore. Votre insatisfaction s'entend. Alors ne dépassez pas les bornes face à des clients potentiels ou des supérieurs, par exemple. Côté relation, de partout, vous n'en faites qu'à votre tête. Alors que cela plaise ou non, ne soyez pas vexé si tout le monde ne vous suit pas les yeux fermés. Sagittaire, selon Mercure, Jupiter et Pluton, vous avez une vision claire de votre objectif et les outils nécessaires pour les atteindre. Alors persévérez, malgré les obstacles, la réussite est au bout. Côté relation, Vénus et Mercure en Lion rassasient votre besoin d'affection et d'échange. Alors continuez de communiquer ouvertement vos sentiments et besoins. Cela renforcera notamment vos relations. Capricorne, une véritable équipe astrale travaille pour vous, rien que ça. De plus, dimanche, la pleine lune en Capricorne va vous porter. Fiez-vous donc à votre analyse logique et intuitive. Côté relation, vous pourriez tirer les ficelles, mais surtout, n'en profitez pas. Pas question de manipuler les autres, surtout. Profitez de cette période pour avancer dans des projets communs, par exemple. Verseau, grâce à des opportunités bien présentes dans votre quotidien et au travail, vous faites tourner la roue dans votre sens. Néanmoins, jusqu'à mercredi, méfiez-vous de votre empressement. Pour la suite, tout roule. Côté relations, vous êtes un peu autoritaire toute cette semaine. Ouf, dimanche, Mars passe enfin Gémeaux et vous gagnez en adaptabilité. Soyez vigilants. Poissons, en début de semaine, selon Mars et Uranus, vous savez ce que vous voulez. Cela semble efficace, les résultats sont probants. Misez sur la lune du 21 pour rassembler toutes vos aptitudes. Côté relations, vous n'êtes pas dans le mode démonstratif en séjour. Avec plus de mesures, vous distillez de petites attentions. Faites comme vous le sentez. Voilà, votre horoscope pour la semaine du 15 juillet est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.